Bouygues Télécom. Renault de Rennes a pris deux résolutions. S'offrir la fibre et une télé 4K de qualité. Mais comment faire sans se ruiner? Eh bien Renault, écoutez ce qui suit. En ce moment, ce sont les ventes flash chez Bouygues Télécom. Passez à la fibre avec Bibox Smart TV et profitez d'une Smart TV Samsung QLED 55 pouces à 199€ au lieu de 999€. Soit 80% de remise. Rendez-vous vite sur bouyguestelecom.fr. Prix de la box 39,99€, engagement 24 mois, remise TV auprès de Samsung, conditions et éligibilité sur bouyguestelecom.fr. To call, I forget you and your friends that I'll never see again. Everybody but your dog, you can all get lost. Cristal. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the freeway, riding shotgun with you. Two hearts in the fast lane, we had big dreams in blue. Playing sweet child of mine, and I still feel that line. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long, too long ago, my love. Where did we go wrong? Too late to turn around. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. Just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. Le reste, je te le laisse. Le reste. you, I guess you moved on really easily. You found a new girl and it only took a couple weeks. Remember when you said that you wanted to give me the world? And good for you, I guess that you've been working on yourself. I guess the therapist I found for you, she really helped. Now you can be a better man for your brand new girl. For you, I guess you're getting everything you want. You bought a new car and your career's really taking off. It's like we never even happened, baby. What the fuck is up with that? And good for you, it's like you never even met me. Remember when you swore to God I was the only person who ever got you? Well, screw that, screw you. You will never have to hurt the way you know that I. I guess you moved on really easily. One day. Cristal. Cristal. Petite, te laisse pas enfermer, t'as toujours su rêver. Petite, je te promets, c'est pas ta faute. Ce monde que t'as imaginé ne saura pas te sauver. Petite, je te promets, t'en verras d'autres. Tu rêves de partir, pouvoir choisir, oublier ta peine. 100 fois tu vas tomber, 100 fois croire que c'est terminé, 100 fois tu vas te relever quand même. T'as grandi, tu te sens pas comme les autres. Tu commences à sortir la nuit, à faire ce qu'on t'interdit. Y'a des étapes qu'il faut pas que tu sautes. Tu rêves de partir, pouvoir choisir, oublier ta peine. 100 fois tu vas tomber, 100 fois croire que c'est terminé, 100 fois tu vas te relever quand même. Stay dry and I think that I'm okay, till I find myself in a conversation fading away. The way you smile, the way you walk, the time you took, teach me all that you had taught. Tell me, how am I supposed to move on? These days I'm becoming everything that I hate, wishing you were around but now it's too late. My mind is a place that I can't escape your ghost. Supposed to move on.

Crystal.

d'un jour adopté. En vérité nue, c'est toi qui l'as fait. Y a pas que les gènes qui font les familles du moment qu'on s'aime. Et si l'averse ne touche toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si l'averse ne touche toi et moi, prends ma main, dis, prends-la. S'aimera. You've been you a constant. Je ne joue pas au conquistador. Tu le sais déjà comme je t'adore. Tu vas pas aimer mi amor. Quand je joue, c'est pour la médaille d'or. Quand tu bouges sans lâcher mon regard, sur ta bouche j'imagine des histoires. Si tu boudes, ne le fais pas ce soir. Quand je joue, c'est jamais au hasard. C'est jamais au hasard. Ça peut commencer comme ça, mais jamais finir. Tu sais, on sait pas. Le feu s'éteint pas comme ça. On va pas mentir, on le sait déjà. Moi j'oublie tout quand tu danses. C'est comme une tu danses, c'est comme une évidence. J'ai perdu la patience. Allez, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï. Tu n'as pas raison, je n'ai pas tort. Si je te dis non, tu ne seras pas d'accord. Dans mon cœur, toi, tu voles encore. Je te promets, je vais rester fort. J'avoue, j'avais déjà donné. On m'avait déjà tout repris. Je pourrais tout abandonner. Si on me l'avait dit. Encore, encore de toi. On pourrait s'en aller là-bas. Toi et moi. Ça peut commencer comme ça, mais jamais finir. Tu sais, on sait pas. Le feu s'éteint pas comme ça. On va pas mentir. On le sait déjà. Moi j'oublie tout quand tu danses. C'est comme une évidence. J'ai perdu la patience. Allez, laï, laï, laï, laï, laï. Laï, laï, laï. Moi j'oublie tout quand tu danses. C'est comme une évidence. J'ai perdu la patience. Allez, laï, laï, laï, laï, laï. Laï, laï. I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment, I started a place. Cause now that the corner lock, here were the words that I needed to say. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't. Time.